sorti d'enfer en tête à vue. J'suis là pour prestige, qu'on pourrait me les laisser. Ici on prendrait des piches pour mourir au tennis. Oh oui, oh oui, oh oui. Planète Rap. C'est la Nocturne 100% rap français avec Ous à écouter maintenant. Toujours en compagnie de SCH dans la Nocturne. Sans mes scélera. Quand Poudon Ous, gueule toi encore une fois. Hein? Marafak. J'ai toujours mes deux pieds devant le DBB, rien n'a changé, je suis à la gratte. Ma mère serait fière de moi, j'ai préféré faire le rappeur qu'aller à la fac. Je fais passer le temps, je fais que fumer, dépenser mes billets. Je taffe comme un chinois, je fume comme un antillais. Toute ma journée, je crache ma haine dans le cendrier. 25, j'ai dans le caleçon 6, 35 dans la poche de mon blue jean. J'ai le cerveau enfumé, j'ai les yeux rouges sans hémoglobine. Wesh mes rayons, wesh mes scélérats. Ce qu'on veut c'est passer du Clio au Porsche Panamera. Faire lever des foules comme en série A. Pour la suite je sais c'est comment ça se finira. La tête dans les nuages, ouais j'cogite. J'tire sur mon pétard jusqu'au filtre. J'vais me faire sucer, j'repars direct dans un Covid. All in, dealer la douille, ouais j'leur mets all in. J'meurs pour toi comme Aniki, Aniki, Aniki, Aniki. J'en fais pas les douilles pour mes rimes. J'attendrai pas qu'il en pue mon frère pour voir ce qui vient. Des fois mon raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Tu veux killer mon frère? Aniqué, aniqué. Deux dans le front, ton sang sur la béquille. Brille comme du Swarovski Pluto. Peuf dans le front, ton âme sur la bouquille. Ouais, ouais, tu veux killer mon frère? Aniqué, aniqué. Brille comme du Swarovski Pluto. Enfile ton téflon, t'es sur tes hostiles. Croyez le monde comme la Corée du Nord. J'ai la tête à John Wick, le Glock à Salvatore. J'ai foutu mon plus beau manteau sien et mes plus beaux souliers pour crosser le taulier. Mais hey, peut-être qu'on crèvera dehors. Maman s'est noyée sous des dettes, elle paie plus ses loyers. Pété faute, j'ai les poignets joints, c'est 7 ans qu'en frange au ailleurs. J'veux aller ailleurs, elle m'excite pas ailleurs. J'pars en guerre, j'vous vois tout petit depuis l'Himalaya. Des bouches qu'a du toucher, j'm'enfonce dans la presse. Je l'appelle la fraîche. Aneke, aneke. De ton front, ton sang sur la béquée. Brille comme du Swarovski Pluto en fil dans tes flancs, t'es sur terre hostile. J'en fais pas les douilles pour mes rimes. J'attendrai pas qu'il en pue mon frère pour voir ce qu'il veut. Des fois mon raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. J't'en fais pas les douilles pour mes rimes. J'attendrai pas qu'il en pue mon frère pour voir ce qu'il va. Des fois mon raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis aniqué, aniqué. French Riviera dans les bacs le 25 septembre. Ous, SCH dans la Nocturne. Ice Lemcy aussi à écouter, lui ça sort le 4 septembre. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. You already know who it is. Triangle d'or. TDO. High Slam. TDO. High Slam. High Slam. High Slam. Now watch me whip. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Watch me nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nene. Now watch me whip. Now watch me, nay, nay, no, no. Car là, je suis mené dans les tuyaux, je l'ai dégainé des mélomanes du game Crime Day. Je suis posé dans le fond du carré, vite, vite, rejoins-moi, baby. J'ai sorti la paire sneakers inédite, Jack Oney, Magnum d'alcool japonais. Amen, tes copines, je les invite. Look, I watch me whip, look, I watch me, nay, nay. Moi et ma clique, laisse ton mec aller travailler son jeu d'acteur. Loca, je suis docteur, état de guerre qui palpite. Tous les jours, je suis dans la street avec mes locos. J'ai le logo du triangle doré sur le polo, nay, nay, nay, nay. Sur le capot de la BM ou sur le KTM et fais le crier dans le bendo. Ice, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh, okay, ooh, yeah. Watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, yeah. Watch me, watch me, ooh, okay, ooh, great day. Duff, duff, duff. On est dans le club, on est dans le game. Dis comment mon heure est arrivée, mes rendez-vous sont planifiés. Mon label est dans le rush, mais l'eau 40 loco, le chauffeur. Elle sait sentir ce qui n'a pas d'odeur. Mon bigot, ça aime à sortir, fait payer votre XV par barre, pièce hauteur. Now watch me whip, now watch me nay nay. Sur l'avenue des Champs-Élysées, les portes ouvertes. On termine la soirée sur les quais, sortez à découvert. C'est le jour de la paye, loco, c'est le week-end. C'est l'arrivée des bouteilles, je ramasse plus de meufs que tu t'aimes. Now watch me whip, now watch me nay nay. Watch me, nene. Why me do it? Now watch me, whip. Watch me, nene. Okay. Now watch me, whip, whip. Watch me, nene. Can you do it? Say hi to me, see, see. Barre carré, vite, vite. Rejoins-moi, vite, vite. Now watch me, whip. Mes bico, nene. Mes black, nene. Mes blanc, nene. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Sams et Youssoufa dans la nocturne. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose life, choose life. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavale. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. À chaque couplet c'est le combat pour la ceinture. Faut que tes rappeurs remplis de clichés, même pas les voir en peinture. La street c'est ci, la street c'est ça. Je suis un vrai, je suis un dur. Rasez-moi ces crêtes de tapette et stoppez vos teintures. Je vais remonter les pendules, c'est l'heure du titre. Les jaloux n'ont qu'à jeter l'œil, moi j'ai l'œil du tigre. Ce que vous cachez, il faut quelqu'un pour le dire. Je vous louperai pas, j'ai bossé tout l'album dans un stand de tir. Trop de choses à dire, donc je viens planter ma tente. Et longue a été l'attente, aucune pression, on a déjà tiré sur ma tente. Le coffre chargé, sueur au front, je passe la frontière espagnole. Je suis africain, je manque de jugeote, selon les tirs de Sagnol. Je voulais en savoir plus sur mon peuple, sa grandeur, ma parole. Toute ma scolarité, mon gavé de leur Marcel Pagnol. Nous lave le cerveau à en perdre la raison. Pour ça que saison en saison, mes frères de couleur deviennent des nègres de maison. Yama. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose line, choose line. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je